3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Ça y est, les vacances sont terminées, le All-Star Break c'est fini. On retrouve qui ? On retrouve l'ami Choubix. Ça va Seb ? Ça va. Un petit peu malade ces derniers jours, mais là, au top comme les Knicks. Au top comme les Knicks, et ben c'est super parce qu'il va falloir au moins deux personnes, deux Knicks fans au top pour parler de tout ce qui se passe dans la planète Knicks. Comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses, même sur une petite semaine, parce qu'il y a des à côté. Donc, et puis quand c'est pas les Knicks qui sont actifs, c'est la KNF. Donc, il y a forcément un bon petit programme pour ce nouvel épisode. Le 47e, j'en bafouille, c'est l'émotion. 47e épisode de Have a Knicks Week, le programme 100% actu de KNF TV. Donc, vous êtes là le lundi pour le rendez-vous hebdo. Donc, c'est parti, on envoie le jingle et on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, ça a commencé déjà par une fin de match, une sorte de match, un All-Star Game où on avait notre fameux Julius Randle. Ah là là, le All-Star Game, une parodie. Ça a beaucoup fait parler, il y a beaucoup de gens qui en parlent en bien, en mal, surtout en mal, et je pense qu'il y a moyen d'en parler en mal plus qu'en bien. Il y en a peu finalement qui l'ont vu, les audiences de la NBA sont en baisse. Moi, j'attendais de voir un peu ce qu'allait nous faire notre Julius. Il y a eu cette histoire de draft avec LeBron, Giannis, je prends un tel. Bon, un peu caricatural, un peu tiré par les cheveux, un truc qui traîne en longueur, une formule que la NBA a essayé de réinventer, mais qui ne trouve pas vraiment son succès ni cette réussite. Les joueurs ne veulent pas tout simplement défendre. Ça, bon, sans forcément faire de la grosse défense tout terrain, faire au moins semblant, quoi, un peu d'opposition, éviter de laisser l'accès au panier libre. C'est compliqué, c'est une formule qui s'essouffle. Hein. Quand tu vois les déclarations après de Shai Gilgeous, oui, si on nous filait du fric, on serait peut-être plus motivé. Ouais, bah écoute, la prochaine fois, on te sélectionnera juste pas, comme ça, voilà, tu... Oh, ouais. j'ai vu une déclare de Javon Gundy, qu'on connaît bien, qui a dit clairement, vaut mieux arrêter. Filez leur 10 jours de vacances et arrêtons là les frais. La mascarade. Ils ont pas envie de jouer, arrêtons. Et en fait, voilà, c'est. Je suis pas envie de penser. Hein. Ce serait bien. Voilà, All-Star, c'est bien, bravo, une distinction dans la saison, t'es All-Star. Il faut une distinction. Il faut à la limite une petite cérémonie, vite fait. Et puis, comme ils font, ils présentent devant à chacun dans sa salle, ils lui remettent une petite étoile de shérif, bravo. Le match. Le match n'a aucun intérêt, franchement, c'est... Je sais pas si on peut appeler ça un match, d'ailleurs, puisque c'est plus un concours de lay-up ou de dunk ou de... Mais c'est aussi une caricature. C'est une caricature du basket de 2023. Hein. Je n'ai pas regretté ma nuit, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Je t'avoue que moi, je l'ai regretté quand même. Hein. Mais voilà. C'est plus, en fait, un moment qu'on aimait auparavant. Ouais. Un moment fort qui a perdu son âme, qui a perdu son sens. Et c'est devenu aussi une caricature du basket. Aujourd'hui, on tire à 3 points en une possession, enfin, sans mettre en place de système ou quoi que ce soit. Et ben là, ça tirait de plus en plus loin. Voilà. Donc, c'est aussi une caricature du basket moderne. Après, j'ai ma petite théorie. Ma petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Déjà, bon, les joueurs n'ont pas envie de se péter parce que, après, derrière, ils ont quand même des objectifs personnels. Comprendre. Voilà. Et de deux, la NBA a tellement lissé les joueurs NBA, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des vraies rivalités. Il y a des joueurs qui voulaient vraiment jouer ensemble et c'était pas l'époque des super teams, donc c'était aussi un peu leur façon de se retrouver et il y avait un vrai attachement à leur conférence. Que désormais, en fait, la Ligue a tellement lissé tout ça où juste tu dis mon caca en interview, tu prends 50 000 $ d'amende. Que en fait, ils sont tous copains. À la fin des matchs, ils sont tous des câlins, des gros bisous. Ils se voient après pour déjeuner. Donc, en fait, il n'y a plus cet antagonisme qu'il peut y avoir. Il n'y a plus cette essence qui faisait une rivalité, ouais. Non, donc, en fait, désormais, ils sont là, ils passent un bon moment, ils sont tous copains. Ils ont dû jouer au poker la veille, ils vont se faire une bouffe le lendemain. Donc, il n'y a pas de raison, mais après ceci dit, c'est pas parce qu'ils sont copains, on a tous été dans des clubs, t'es copain avec les mecs, mais en match, t'as envie de jouer, t'as envie de gagner, t'as envie de. T'es compétiteur, Ouais. quoi, t'as envie de faire un truc. Là, les mecs. Les joueurs sont responsables de cette situation, même si la NBA Je suis n'y est d'accord aussi. pas non plus pour rien, parce qu'il y a un podcast de JJ Redick qu'on recommande par ailleurs, qui dit que de toute façon sur ces week-ends, les joueurs sont ultra sollicités par les sponsors, par les médias, par les soirées. Donc tout ça fait que de toute façon, ils ne sont pas vraiment dans une logique de compétition, ils sont plus dans une logique festive. Mais voilà, arriver sur le terrain, il y a faire semblant et faire semblant. Et même si la NBA a essayé de trouver une formule pour un peu donner du sens par des associations, pour donner voilà, à des bonnes causes certaines recettes, bah non, ça finalement ça ne joue plus. Donc c'est dommage, la NBA perd quand même un rendez-vous important. C'est un peu gâché parce que la soirée des concours, le Rising Star limite, c'est bien mieux, bien plus intéressant que le moment phare qui Et est encore, censé être regarde le maintenant les All-Star Game. concours, c'est un mec qui a jamais mis les pieds à NBA. Enfin, dans ces cas-là, Ah même là les là, années. il y a moyen Non de faire mais. pas mal de débats autour Non de mais cette édition en tout cas. le mec, excellent, attention, le mec est excellent. Moi, pareil, moi je l'ai regardé le lendemain parce que t'as vu, hein, les audiences, elles ont été surtout faites normalement pour les concours, sur le lendemain, sur les replays, sur les trucs comme ça. Moi je l'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé le résumé du concours, ça m'a très bien allé. Au moins, pas de pub qui dure 40 ans, enfin bref. Mais et c'est un mec qui a jamais mis les pieds en NBA. Mais dans ces cas-là, à l'avenir, je sais pas, les équipes sont représentées par des dunkers professionnels. Et faites-nous du Ouais. show alors, faites-nous du show. Enfin, les joueurs ne veulent pas y participer à ça aussi. Enfin, je veux dire, en ces cas-là, chaque équipe a leur représentant et puis ils doivent passer un dunk, ils font ça sur une journée. Enfin, je pense qu'il y a un concept à On faire, est mais. sur une situation hyper paradoxale parce que les joueurs sont les premiers à se plaindre quand il n'y a pas de sélection de All-Star. Les Ouais. joueurs sont les premiers à se plaindre finalement des sollicitations, des saisons un petit peu longues, le fameux load management. Et arriver sur le moment, bah non, il ne joue pas le jeu, donc ça c'est dommage. Et effectivement, le concours de dunk, c'est aussi le cas. Alors certains vont dire, ouais, LeBron a refusé le concours de dunk, donc depuis, bon, à voir. Mais voilà, c'est un Si sujet épineux et je pense que la NBA a tout intérêt à essayer de travailler pour éviter de si gâcher je et dis pas de finalement d'avoir des bêtises, pertes d'audience, quoi. si je dis pas de bêtises, dans certains contrats, les sélections du All-Star font office de bonus, hein, c'est ça, Sont hein, je valorisés crois. suivant les comment dire les La sélections. renégociation du contrat, ouais, voilà. Donc ils prennent quand même du fer par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Quand même, ils y ont un intérêt à garder. La NBA ne va pas arrêter le All-Star Weekend, ne va pas Non. arrêter le All-Star Game, parce qu'il y a aussi Mais des intérêts financiers, tout ouais, mais simplement, si c'est hein. vraiment Les boudé. diffuseurs. Mais si c'est boudé, voilà, ils risquent de perdre aussi dans les droits publicitaires. Et voilà, le produit est moins attrayant, moins sympa. Donc il y a sûrement quelque chose à faire dans les années à venir, à voir. Mais en tout cas, le All-Star Game est en péril. À voir qui réussira à le sauver. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. On Wemby, n'hésitera pas à c'est débattre Wemby qui va le là-dessus. sauver. Wemby, le Ouais. Oh sauveur du monde, là c'est là. Wemby qui va le sauver. Ah là là. Ah, les sauveurs. Bon, ça c'était le All-Star Weekend. Et puis la semaine dernière, il y avait aussi une autre échéance importante qui était la date de bouclage, ouais, je sais pas si ça se dit, de fermeture des rosters. Il fallait que chaque équipe NBA ait un certain nombre de joueurs, 15, je 16, crois. 17, 15, bon, Pas je sais 15? plus. Bon, Je pense bref, il 15. fallait qu'il y ait un certain nombre de contrats et il fallait pas en avoir moins. Et du coup, il restait deux spots de libre depuis le trade de Josh Hart et donc les Knicks devaient au moins signer quelqu'un. Et c'est finalement le rookie Trevor Keels, qu'on a déjà oublié parce qu'on l'a très peu vu, voire pas, cette saison, qui a vu son contrat basculer. Il était en two-way contract, il passe en 10-day contract. Donc est-ce qu'il va jouer? Bon, on verra. Il faudra vraiment beaucoup, beaucoup de garbage time et de belles victoires des Knicks pour éventuellement lui Il n'y a trouver pas quelques une. petites minutes. Je crois qu'aussi, il y a un tourloupe dessous. Je crois que tu ne peux pas enchaîner deux 10-day contracts d'affilée. Je ne Ouais, peux pas c'est faire comme un deux. CDI, un CDD. Un Voilà, t'as pas le CDD, droit de les je crois. cumuler. Donc, sûrement qu'il va enchaîner ses 10-day contracts, et puis au bout d'un moment, son contrat va être confirmé pour je sais pas combien de millions pour la fin de la saison, et il aura son petit chèque. Mais est-ce qu'il va jouer? Bon, à Non. voir. Il était jeune, il a été drafté jeune, bon, on l'a pas vu du tout. C'est compliqué de toute façon dans les rotations de Tom Après, Thibodeau. Il y a... il est mis à disposition, ça n'empêche pas de l'équipe G League. Aussi, et puis voilà, il s'entraîne. Hein, il s'entraîne. Donc voilà, donc on attendait, voir est-ce qu'il allait y avoir du buy-out, est-ce qu'il allait y avoir un vétéran qui allait venir renforcer l'équipe. Non, le move de cette trade deadline, c'était Josh Hart, et le reste, Ouais. c'est Oh, plutôt qu'est-ce que je accessoire. l'aime. Qu'est-ce que je l'aime, Josh Hart. Merci. Oh, merci d'être là. Oh là là. Même si c'est pas Merci. forcément le mec qui va marquer 30 points par match, mais alors, il aurait pu jouer dans les années 90, ce mec, quoi. Il pourrait plus jouer dans les années 90, quoi. À se jeter sur les ballons, à se bastonner. Voilà, c'est ça qu'on aime, nous. C'est ça qu'on veut. C'est exactement dans l'esprit d'Enix. Donc là, c'est parfait en termes de signature. Alors que voilà, sur cette sans mâcher du buyout, pourquoi pas? Il y avait encore la fameuse rumeur. Est-ce que Melo? Bah non, Melo, il n'a pas pour l'instant signé dans une équipe NBA. Je pense Non, pas que j'aime. ça va arriver. T'as sorti le numéro 7 en hommage à Melo, ton joueur préféré d'Enix, on le rappelle. All Et time. All time, bien sûr. Ah, c'est le GOAT. Devant Cavendish, évidemment. Forcément. Voilà. J'en perds ce que je voulais dire. Le film, non, voilà, oui, le fameux Melo. Et ben, le fameux Melo, il a retrouvé quand même un peu de travail. Il est ambassadeur pour la FIBA, pour la Coupe du Monde 2023. Après tout, peut-être que le meilleur Melo, c'était le Melo FIBA. Donc, quoi de Bah plus ouais. logique que de se faire recruter en tant qu'ambassadeur Meilleur pour quel scoreur sera. de l'équipe américaine, hein, ça, je crois. Je suis pas sûr que c'est encore Ah, le peut-être cas. Il me pas. semble que KD lui est passé devant Ah ouais. à l'occasion des derniers championnats du monde. Championnats du monde, Jeux Olympiques, pardon. JO. Ouais, à travers des JO. Mais voilà, ça reste tout de même le Captain America, Bah avec ouais. quand même pas mal de bagues, Alors enfin lui, pour le de coup, médailles, de médailles. il a jamais snobé la sélection. Il n'a jamais snobé la sélection, pourtant c'était mal entamé sur sa première campagne en 2003 à Athènes. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc ça, Melo a retrouvé du boulot. Et puis pour ceux qui aiment l'audio, ah, je suis dans les rimes, eh ben, on a un nouveau podcast qui est sorti la semaine dernière, parce que oui, on avait quand même besoin de faire un petit peu de débrief à l'issue de cette trade deadline et sur le point sur la saison. Avant la dernière ligne droite, il y a la vingtaine de matchs qui s'annoncent. Donc l'équipe du podcast associée à Kevin, et oui, Kevin que vous retrouvez assez régulièrement sur le blog, eh bien, vous ont proposé une bonne heure, 1h20 de podcast. Tous les sujets Oh, sont abordés. vous connaissant, t'as dû couper en post-prod parce que ça a dû pas poter. Il y a toujours un peu de travail en post-production, mais en tout cas, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et aussi sur la chaîne YouTube, avec un mini format vidéo, dont vous avez le jingle par ici, non, par là, hop là. Ça passe très bien dans le bus pour aller au travail, c'est parfait. Ça passe très bien dans le bus, bon, bah tant mieux. Donc, on espère qu'on a eu de la bonne humeur. En tout cas, il y avait de la confiance, et je pense que les Knicks sont fournisseurs officiels de confiance chez les Knicks fans en ce moment. Et donc, du coup, Seb, moi je te propose qu'on parle des deux matchs de la semaine. C'était une semaine de reprise, une petite semaine, mais à back-to-back. Voilà, Et une belle semaine. du coup, sans vouloir me le vanter, mais j'ai encore tout bon sur mon prono. Dédicace à Willy, on Moi, avait un je te l'ai petit dit, hein. doute. Moi, je t'ai dit, hein. Tu joues pas, tu ne joues pas. Tu ne joues Je pas. devrais jouer de l'argent, effectivement. Je serai un homme À riche. l'heure actuelle, tu pourrais négocier avec James Dolan pour l'rachat de la franchise, je suis sûr. James Dolan n'est pas vendeur. N'est pas vendeur. Des capitaux étrangers pourraient arriver. Ça parle plutôt des pays du Golfe que des pays de l'Hexagone. Mais Ça. voilà, en tout cas, pour dire que le prono de 2-0, bah finalement, j'avais bu bon. Une semaine de reprise, enfin une semaine. Un petit week-end de reprise, c'est jamais évident de remettre la machine en route. Les Knicks étaient sur une série de 3 victoires consécutives avant la pause, ça c'était très Depuis que Josh bien. Hart est Depuis à Paris, Josh Hart, on ne perd depuis qu'il plus. joue, on ne perd plus. Donc voilà, te reste en C'est forme, bon. garçon. Road to the finals. Dommage, tu serais arrivé au début de la saison, on faisait un 82-0 et on était la meilleure équipe all-time. Bref, non, non, Josh Hart de retour Rocket. comme. Mitchell Robinson qui fait Ouais. l'honneur de l'affiche de cette vidéo, de la miniature de cette vidéo. Un Mitchell Robinson, voilà, Pressé. qui est tressé, Pressé, tressé et mais pas pressé de jouer. mais pas Et pas stressé. stressé. Ouh, on est dans les punchlines, dans les rimes aujourd'hui. On est inspiré. Donc ouais, tressé, mais pas stressé, et pressé de jouer. Et on l'a trouvé plutôt bon dès ses premiers Oui. instants. Première action, une faute. Allez, direct. Bon, déplacement à Washington, Washington DC. Une équipe au complet aussi au niveau de Washington. Il y avait Bradley Beal qui était en questionable, mais il a joué. Les Wizards qui ont plutôt bien commencé, avec une grosse adresse à 3 points. Ça rentrait de tous les côtés, du Kuzma, du Porzingis. Et oui, Porzingis est un shooter à 3 points. Peut-être que Porzingode. c'est lui qui aurait dû aurait dû participer au concours de 3 points, allez savoir. Mais voilà, ça tombait un petit peu de toutes parts. Et puis les Knicks étaient vite à la traîne dans ce match, dans ce premier quart-temps. Donc un 38, plus de 38 points encaissés, enfin 38-27 dans le premier quart, c'est beaucoup. Ça démarre mal. On s'est dit, bon, ok, Première c'est mi-temps, pas peut-être top top. un mode diesel, le temps voilà, de se remettre en jambes. Jalen Brunson, un petit peu dans le dur sur ce match. RJ Barrett, qui avait envie de Le montrer des retour de choses, parce vacances, que c'est pour ça. ouais, le retour de vacances, toujours dur, hein, le premier lundi au boulot après les vacances, C'est ça ça. pique, Tu ça fais la pique. gueule. Bon, tu retrouves les copains, mais voilà quoi. Tu te rappelles ton petit cocktail à Cancun, les pieds dans le Ah, sable. tout le monde n'était pas à Cancun. En tout cas, on a vu Jericho Sims qui, lui, ne s'en faisait pas de son concours de dunk loupé. Est-ce qu'il était à Cancun? Je ne sais pas. Il y avait du soleil, il y avait de la plage, il y avait du cocktail ou de la bière. Bon, de toute façon, Jericho Sims, il a vite fait banquette. Il a plutôt goûté le Gatorade sur ce match. C'est Mitchell Robinson qui a retrouvé Ça, c'est sa énorme quand place. même. Le mec, Donc, il passe le starter et on puis. s'y attendait. Non, mais si tu veux, moi, c'est une question de logique. C'est-à-dire que le type, tu ne joues pas, tu es DNP que quand tu as tes deux intérieurs qui sont là. Donc, Mitch et Hayart. Donc, ils sont là, ok, toi, tu es DNP, c'est la hiérarchie. Mais quand il en manque un, tu te retrouves starter. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça assez fort et Ah, plutôt sympathique. c'est l'adaptation de Thibodeau plutôt au contexte. Il a besoin d'un intérieur physique dominant Ouais, plutôt au pour rebond débuter, pour le début par rapport aussi aux, comment dire, aux autres coéquipiers. Donc, bon, effectivement, faut pas s'attendre à le voir beaucoup jouer maintenant. On le remercie pour tout ce qu'il a fait, pour l'ensemble de son œuvre. Mais voilà, Mitchell Robinson retrouve sa place qui est incontestablement sa place de titulaire. accroche-toi, Jéricho, et pas que sur les et pas que sur les filles. Et pas que sur les filets et oublie les distributions de courrier. Bon voilà, en tout cas on va revenir à ce match. Donc un match qui était plutôt mal entamé pour les Knicks. Et puis Julius qui commence quand même à mettre des points, à mettre des points, à mettre des points, à mettre beaucoup de points, à prendre un coup de chaud aussi. Et finalement il va finir la rencontre à 46 points, record en carrière égalé pour Julius. Donc ça va, pour un match de reprise All-Star, s'il y en a un qui a pas mis trop longtemps à revenir dans le rythme, c'est Julius quoi. Quand Une belle Julius, par contre, sent, réussite. Julius marquait des points. Voilà, Julius en mode Hulk, comme on a pu le voir sur des montages sur Twitter. Effectivement, il y avait un petit duel avec Kyle Kuzma qui lui a dit qu'il était trop petit pour Bah, défendre dessus. tu l'as vu justement cette image? Il marque et puis Là. après. Non mais attends, et Kuzma, mais tu es fou. Le mec, il passe pas un quart de porte tellement qu'il est carré. Et toi, t'es là, mode le trollage. Ouais, t'es trop petit, bonhomme. Et après, derrière, il a enchaîné. T'as vu le montage vidéo? Derrière, il a enchaîné point sur point, point sur point. Non mais, Kyle, Il qu'est-ce était que en c'est? feu, il marchait sur l'eau et l'autre, il Qu'est-ce aurait mieux fait de la fermer, quoi. qui s'est passé, Kyle? On troll pas un mec comme Julius. Bon, déjà, à la base, dans la vraie vie, on troll pas un mec comme Julius. Bon, Mais. après, entre joueurs NBA, ils peuvent avoir du répondant physique, effectivement. Nous, on Ils ont dirait. peut-être joué ensemble, non? En plus, aux Lakers. Aux Si je dis Lakers, bêtises. ils ont dû être un peu teammates. Donc il y avait sûrement un petit peu de trash talking, mais gentillet. Après, voyant de Kuzma, bon, faut pas s'attendre non plus à beaucoup de choses très très haut en termes de QI basket. Même s'il a fait un On bon match, hein, l'entend plus sur la mode. on l'attend plus sur la mode, c'est un influenceur, on le sait, ses goûts vestimentaires sont scrutés. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu un match, il y a vraiment eu un match, un Porzingis qui était bon en première mi-temps. Donc ça, c'était plutôt gênant, mais un Porzingis qui s'est éteint, qui a disparu en seconde mi-temps, Ouais. Ah oui. et Toi un qui as marqué Julius qui a 6 lui points. traversé le match en étant bon sur les deux mi-temps. La deuxième Donc du mi-temps, coup, c'est... magnifique. Ouais. Et les Knicks quand même qui étaient jusqu'à 19 points de retard. Donc là, on sentait voilà, le couac de reprise. Et puis finalement, non, ils sont accrochés. Finalement, non, les Wizards, pardon, j'allais dire les Mavericks, je sais pas pourquoi les Mavericks. Les Wizards ont un petit peu perdu leur basket, leur mojo. Les Knicks se sont revenus, se sont accrochés. Et voilà, aussi avec, encore une fois, un banc très intéressant du Josh Hart pour sûr, du Quickley. J'en perds mes mots sur Quickley, on pourrait penser à un titre de sixième homme. Les Ah, stats sont Quickley. peut-être un petit peu trop en retrait, mais On en vraiment reparlera plus tard de Quickley, mais très Quickley, il va très très bon, falloir penser à un apport très passer à la important. banque. Il va falloir penser à le payer. Et au final, un 5 avec du Hart et du Quickley qui termine, Ouais. et un RG qui fait plutôt banquette sur la fin de match. Ça aussi, c'est un signe. Plus dur Voilà. défensivement, les deux. Plus dur, quand il fallait tenir le score, plus dur défensivement, les deux. C'est pour ça. Plus dur, tout à fait. Et du coup, derrière un Julius monstrueux, phénoménal, avec du point, du rebond, de la passe, Et un encore en GB, carrière. et un GB en fin de match en mode Magic Souris, quoi. Je sais pas, enfin, ce move qu'il fait, je sais pas par où il passe. Et quand il nous refait passer devant, là, avec son petit layup au milieu de la mêlée, là, boum, et puis là, tu te dis, mais il était là, il est passé par là, enfin, il était où, quoi. Ah, il est petit, c'est dur de défendre sur des petits parce que effectivement, Et cette. voilà quoi, y a où est-ce qu'il est passé quoi? On a eu cette deuxième mi-temps qui a été beaucoup mieux en termes déjà d'intensité défensive, où là, pour le coup, on a resserré, on s'est montré plus dur, là, plus compliqué pour eux de marquer. On a su revenir au fur et à mesure, voilà, avec un Julius en mode tracteur. On a eu aussi une fin de match gérée catastrophiquement par les Wizards. On marque donc ce panier, un fameux panier de GB qui passe, on ne sait pas où, et puis il marque ce layup qui nous fait passer devant de 2 points. Eux derrière ont leur possession, fin de possession, ils prennent un 3 casse-croûte de par Porzingis, on récupère la balle, et là, il reste un peu plus de 25 secondes, ils font pas faute. On remonte la balle, ils font pas faute. On bouffe le chrono, ils font pas Très mauvais faute. coaching, très mauvaise gestion de leur Prise à fin de deux match. sur. Prise à deux sur Julius, il ouvre pour Mitch sous le cerf, il marque 2 points, on passe à plus 4 à 11 secondes de la fin. Incroyable. Moi j'étais là en mode, je lui mets, ils font pas faute, d'accord, ben merci les gars, merci. Incroyable. Cette fin de Ils match. ont, ils ont, ils ont torpillé leur fin de match. Alors, est-ce que c'est une équipe qui tanque? Ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'ils sont quand Non, même ils sont en play-in. dixième et ils sont en play-in. Donc, limite, un play-in, ça sauverait un peu leur saison, ça sauverait un peu les apparences. Carrément, et puis ouais. Mais à se demander parce que leur fin de match est vraiment excessivement mal gérée, quoi. Donc voilà, c'est une victoire et tant mieux. Ouais. 115-109, ça passe après avec le jeu des lancers francs. Mais il s'en est fallu de peu pour que ça soit une défaite. Donc, en gros, Julius et puis derrière les autres qui ont un petit peu suivi un peu sur la pointe des pieds pour Brunson et Barrett, même si Barrett est revenu dans de meilleures dispositions qu'il nous avait quitté, on va dire, avant le All-Star Break. Donc ça, c'était le premier succès de la semaine du week-end. Et derrière ça, enchaîné avec la réception des Pelicans pour une soirée un petit peu de commémoration des 50 ans du titre de Ouais. 73. Alors bon, pourquoi cette date-là? Allez savoir. Mais c'était l'occasion de réunir pas mal de beaux mondes, de belles légendes, même si tous n'étaient Ils pas sont moins présents. nombreux. Voilà, j'ai sorti le jersey de la perle, Earl the Pearl Monroe, Black Jesus, qui était justement un grand artisan du titre de 1973. Donc le bon vieux Pearl qu'on avait croisé lors du match à Londres, c'était en quelle année? 2019, pour l'opposition avec les Washington Wizards. Comme quoi, il y a un petit peu un fil conducteur dans cette émission. Oui. Le Ah oui, Pearl qui avait c'était un joué aux bullet. Bullets à l'époque. Voilà, aux Washington Bullets, aux Baltimore Bullets même, et qui du coup était vraiment un des rivaux importants de Walt Frazier, et qui se sont retrouvés à être tous les deux La dans le Rolls-Royce. backcourt, la Rolls-Royce backcourt, tout à fait. Et voilà, donc un des grands artisans du deuxième titre d'Enix, qui était présent donc sur cette soirée, et puis là, le match, comment on pourrait le Il n'y qualifier? avait pas Phil Jackson, t'as vu? Ah, il n'y a pas Phil Jackson. Ah, y a pas Phil Jackson. La légende raconte que le système de reconnaissance de visage ne le laisse plus rentrer au Garden. Allez savoir si c'est vrai. comment dire? Ouais, donc ouais, en parlant du match, parce que ce qu'il y avait sur le parquet était aussi intéressant de voir comment les Knicks allaient retrouver ce Garden. Bon, hein, ça a vite été joué. Un break d'entrée de jeu avec une Blow vingtaine de points. Un blowout. C'est pas les matchs que je préfère, clairement. J'ai plus eu du plaisir Alors sur le match des Wizards. moi pour mon cœur, ça me fait du bien quand même. C'est bien de finir relax, effectivement, mais les Pelicans, voilà, c'est bizarre parce que cette équipe elle était première ou dans les premières places de la conférence Ah, Ouest ça a au tout début de la dégringolé saison. complet. Alors ouais, il y a plus Zion, certes. Avec un Zion, je pense que ça a changé les choses, ça a changé la Hey, donne. t'as du Mais monde! T'as du il y a quand même du monde! McCollum, il y a du Ingram, il y a du Valanciunas, Ouais. il y a des jeunes intéressants. Ils ont toute la tripotée de Murphy là, qui cartonne. Ils ont Alvarado là, le petit meneur de poche aussi là, qui lui en New-Yorkais? défense, c'est lui en défense, c'est C'est ben sûr. ça se voit qu'il a du sang new-yorkais, hein, parce que oh, la défense, il est compliqué lui. Et puis il est toujours là à traîner pour essayer de piquer des Ouais. ballons. Donc on le voyait un peu en duel par moment sur Jalen Brunson. Mais voilà, donc là, Non, un Julius belle qui est un peu victoire. plus. en qui est plus back-to-back. rentré dans le rang. Hein. Voilà, 46 points, il va quand même sortir des stats de MVP Bien que tous les soirs. Sa première mi-temps, son deuxième quart-temps, il l'envoie. Hein. Première mi-temps, il est à 100% de réussite, à 2 points, 3 points. Voilà. Il commence d'entrée de jeu à placer les Knicks sur le bon rail. On a eu une réussite insolente à 3 points. Je crois qu'à la mi-temps, on est à 51 ou 52%, un truc comme ça. Enfin, c'est fou. Là, à la fin du match, on tombe à 40% parce que la fin du match, on en reparlera, c'était un peu la fête à la saucisse. Tout le monde a escampé le ballon comme ça, droite à gauche. Mais on a eu des pourcentages de réussite pendant encore très loin dans le match. Incroyable. Comme quoi Julius a été trollé par sa participation au concours à 3 points, alors que c'est pas lui qui termine le plus mauvais. Et là, voilà, il arrive en mode revanchard, je ne sais pas, mais en tout cas, en match, les paniers à 3 points, il les met, quoi. Donc, encore un bon Julius, un très bon RG, ça, faut le souligner. Il a été plus offensif aussi, un Jalen Brunson qui revient dans des standards. Au fur et à mesure, il reprend le même. Même si, voilà, il est un petit peu dans le dur sur l'adresse en tout cas. Les shoots qui sont les siens, il a du mal à les mettre. Mais voilà, il a fait ses stats quand même. Et une belle aussi... connexion. Oui. La connexion avec Mitch. Et exactement. Et j'ai trouvé que ce soit lui ou que ce soit RG. Bon, déjà, RG Mitch, on savait. On savait que ça marchait bien. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ouais, et souvent, ils essayent de le trouver. Là, j'ai trouvé qu'ils ont joué plus avec lui à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, il est en double-double. C'est parce qu'ils l'ont vraiment cherché. Ils l'ont vraiment cherché en hauteur. On sait que Mitch a une verticalité de malade. Ils sont allés le chercher en hauteur et il a fait un énorme taf, quoi. Et ça, il faut le souligner parce que quand on joue avec avec Mitch, ben voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui peut se passer quand on joue avec un intérieur qui peut aller haut pour chercher les ballons. Faut pas hésiter, quoi. Et puis qui est présent, qui est bien présent au rebond offensif. Ça manquait quand même avec Jericho Sims, qui est un tour en dessous de Mitch, et avec Hartenstein. Même si Hartenstein reste toujours un bon soldat, il se bat bien. Et voilà, il a eu un début de saison plutôt difficile. Oui. Là, je pense qu'il a trouvé son rythme, sa place. Mm. Et donc, c'est super. En backup, franchement, bah, on a bien fait de ne pas le dégager à la deadline. On l'accompagne plus à l'aéroport, on le garde jusqu'à la fin. C'est ça, voilà. On verra plus tard à l'aéroport, tu restes avec nous. Un match fun, même si un blowout sans vraiment avoir été inquiété, des belles actions, un groupe qui vit bien, le alley-oop de Quickley avec la planche pour Randle, tout le monde se marre et tout. En mode Alvarado, hop. Formidable, non, c'est très sympa, donc ça Monsieur permet, voilà, ma chaise. Ça permet, je suis resté allongé dans mon canapé quand même, mais j'ai trouvé ça kiffant. Et puis aussi ce Garden, voilà, qui était à fond, qui a vibré. On passe le salut à nos amis allemands qui sont en ce moment à New York pour vivre quelques matchs au Madison Square Garden. Et donc ouais, c'était une très belle soirée. Et puis le public, voilà, qui a même été jusqu'à réclamer du Derrick Rose. Ouais, ils n'ont pas réclamé Evan Fournier. Peut-être sur un blowout contre les Celtics, on verra. Mais ils ont effectivement réclamé Derrick Rose. D'habitude, Thibodeau, il n'est pas trop enclin à, voilà, faire plaisir au public. Alors, c'est le coach, c'est le coach. Je sais pas si tu as vu la séquence. Il se lève et il parle, je sais pas à qui il parle à sa gauche. Et genre, je vais aller demander au coach. Et il se lève et t'as Thibodeau qui rigole et qui lui fait un signe de la tête. Et là, il s'enlève à ce moment-là. Il s'enlève tout son warm-up. Et là, le public explose. Mais je pense qu'il va voir le coach qui lui dit, je peux y aller. Et Thibodeau qui rigole et qui fait, vas-y. Non, mais voilà, c'était une soirée, on va dire, plaisante. Déjà, il y avait les célébrations, donc il y a eu un très beau discours de Walt Frazier à la mi-temps aussi. Très dans l'émotion, simple, mais dans l'émotion. Tout à fait, ouais. Bon, après, on connaît le sens de la formule pour Frazier. Et puis, oui, cette fin de match en garbage qui a donné un peu de temps de jeu, même à Jericho Sims. Donc, c'est pour dire, il n'y a que Evan qui était sur le bout du banc. Dommage pour lui. Mais voilà, Derrick Rose et tout le monde essayaient. Allez, vas-y, Derrick, marque. Bah non, il n'a pas marqué. Il a shooté le fameux Airball, la saucisse. Mais mais un méchant airball à 3 points. T'étais peut-être pas obligé de forcer à vouloir faire que du 3 points. Mais voilà, un joueur qui est pas en rythme non plus, qui avait pas prévu de jouer à la base. C'était le clin d'œil sympathique. C'était. Voilà, c'était histoire de finir sur une happy end. Cette semaine. Points, c'est normal, quoi. Cette semaine se termine bien, ce week-end se termine bien, et on va pouvoir basculer sur la semaine qui arrive, parce que la semaine qui arrive, je pense qu'elle est d'un registre un peu plus costaud quand même. Hein. Et ça nous permet aussi, parce que là on connaît une belle série de victoires, nos concurrents, pour certains, connaissent une belle série de défaites, je pense notamment aux Miami Heat, qui sont sur 4 défaites consécutives. Les Nets. Ça nous donne un petit matin d'avant sur eux. Les Nets qui sont en train de glisser, c'était prévu avec le roster, même s'ils ont une équipe qui est quand même peut-être plus homogène qu'avec KD et Irving, n'empêche que c'est moins talentueux. Donc c'est prévu qu'ils glissent, donc pas d'effet de passe communicant. Il n'y a pas de raison de ne pas penser qu'on peut prendre cette place. Ou en tout avoir cas, l'opportunité de prendre cette place. C'est ça, ou en tout cas qu'on reste à notre place, c'est-à-dire qualifier pour les playoffs directement. Je pense que là maintenant, c'est l'objectif. L'objectif, ce n'est plus le play-in, l'objectif, c'est la qualification en playoffs direct. Et moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que les Raptors continuent à s'accrocher, là. Eux, ils continuent à s'accrocher. Les Hawks aussi ont gagné les matchs. Les gars, il faut que vous perdiez. Ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Moi, je ne regarde plus derrière. Ça fait un moment que je ne regarde plus derrière. Je regarde devant. Il faut quand même regarder un petit peu derrière pour prendre confiance. Parce qu'il y a quand même une meute de loups qui, eux aussi, sont en chasse. Nous, on est là. On a un petit peu de marge. On a retrouvé un peu de marge par rapport au Heat, et tant mieux. Le Heat qui a perdu à Charlotte. Donc là, ça, c'est un signe aussi. Heat qui va moins bien que ce qui était prévu sur cette saison. Ils ont pour autant récupéré un petit peu d'amour avec Kevin Love. Mais est-ce que ça va être suffisant pour leur faire revenir, recoller ? On connaît cette série de victoires vraiment au bon moment. Pour le mental, c'est important. On a certaines des équipes qui sont en train d'accuser peut-être un petit peu le coup. Et surtout, je pense qu'ils nous voient aussi enchaîner les victoires. Et ils se disent, punaise, on n'arrive pas à les rattraper. Quoi. Donc, c'est vrai, ça commence à devenir sérieux, Lénix. Mine de rien, pour le moral des équipes, se dire, punaise, on s'arrache, on gagne. Mais eux aussi, ils gagnent. Et eux aussi, ils passent devant. Et aussi, eux, ils ont une évolution. Parce que nous, on peut avoir une évolution sur le classement. Pour eux, c'est moins évident l'évolution sur le classement. Donc, c'est vrai que mine de rien, ça joue aussi beaucoup sur le moral. Donc, c'est vraiment il nous reste 20 matchs. On est dans une bonne dynamique. Exactement. Ouais. Et on a Josh Hart, donc on est imbattable. On est imbattable. Ça fait 5 victoires consécutives pour les Knicks. Ça fait 5 victoires depuis que Josh Hart est là. Pas comme son numéro de jersey, puisque c'est le 3. Mais bon. Ouais. C'était le 5 aux Lakers. C'était le 5 aux Lakers, très bien. Eh bien, écoute, j'espère qu'il va avoir un numéro 20 dans pas très longtemps. ça serait tout ce qu'on pourrait souhaiter pour aller le plus loin possible dans cette saison. Et donc, du coup, cette saison, elle va s'enchaîner, parce que ces deux petits matchs en back-to-back, c'était bien, c'était mignon pour une reprise, mais là, il y a du lourd qui arrive, et moi, je te propose qu'on regarde ça tout de suite, parce que c'est du lourd de chez lourd. Allez, c'est parti, on regarde le programme de cette semaine. On n'a pas peur de l'Enix, on n'a pas peur. Non, on a... Alors, après deux matchs, et ben là on attaque une semaine bien costaud, un planning bien complet, 4 matchs au programme, et ce que je disais, pas n'importe quel programme, un programme XXL, avec 2 matchs à domicile pour commencer, 2 matchs à l'extérieur pour finir. Seb, t'es en plein dans le planning, t'es en train de regarder ça. On va parler bien sûr pronostic, parce qu'on aime bien pronostic et tout ça, mais on va parler adversaire surtout. Ça va, cette semaine, il n'y a pas de back-to-back. Ça va permettre de souffler entre les matchs, parce que les matchs, ils vont être intenses. Le premier, dans la nuit de lundi à mardi, donc juste après cette vidéo, la réception des Boston Celtics. Des Boston Celtics qui sont maintenant au complet. Ça tombe bien, les Knicks aussi. La dernière confrontation entre ces deux équipes, c'était avant le All-Star Break. Là, ça sera le match numéro 3 de la saison. Donc ça peut être intéressant de prendre, entre guillemets, l'avantage psychologique pour une éventuelle opposition en playoff. Sur les Celtics, ouais. Psychologiquement, c'est important. Tu vois, quand on sera en finale de conf, c'est important de se dire on les a tapés. Non, mais voilà, blague à part, effectivement, ça permettrait de prendre un ascendant aussi entre les deux, même si on ne joue clairement pas la même chose cette saison, mais aussi passer un message fort aussi dans la Ligue, dans la Conférence Est. Ils sont toujours en tête de cette conférence, ils s'enchaînent les victoires, les Knicks c'est aussi. Fort. Donc c'est un match qui est vraiment important. Là, les Wizards, ok, il fallait le prendre, ça a été plus compliqué, mais ça s'est fait. Les Pels, un blowout, on aurait pu espérer quelque chose d'accroché, bah non, c'était un bon blowout. Là, contre les Celtics, on s'attend à un match quand même qui va être dans l'opposition. Il y a une victoire partout entre les deux équipes. Là, deux ça équipes se joue au Madison Square Garden. Deux équipes en forme, deux équipes au complet, deux équipes avec des All-Stars, plus ou moins. Jaylen Brown, même s'il a du masque ou pas, voilà, il va jouer aussi. Et puis Marcus Smart va être de retour. Attention, sur le match précédent, les Knicks n'avaient pas eu cette opposition avec Marcus Smart. Donc est-ce que ça va plus gêner Jalen Brunson? Il y a des chances. Mais Une en même équipe. temps, on est aussi avec Mitchell Robinson. Donc on aura une présence dans la raquette qui sera un peu plus forte que ce qu'elle était sur la rencontre précédente. Après, tu peux pas arriver à. Tu vas pas arriver à. Comment dire, tu vas pas arriver à stopper un Tatum ou un Brown. Tu peux essayer de les freiner. Et encore, ça va être des mecs que tu sais qui vont te marquer à eux deux 50 points, quoi. Ça va être les à côté, quoi. Ça va être les à côté, ça va être les Alford, ça va être leur pivot aussi. J'oublie le nom, Robert Williams. qui est Robert Williams 3, qui est très fort aussi. Donc ça va être ça. Ça va être Brogdon, eux. il y a une équipe qui est assez, un effectif qui est Ah dense ouais, hein, non, mais aux Celtics. ils ont un banc avec Derrick White, avec Michael Brogdon, avec Grant Williams. Enfin, de toute façon, ils sont premiers de l'Est. Donc, Et de la ligue. évidemment, Et de et la de la ligue, pas Ligue. pour Donc, rien, quoi. Ouais. évidemment, voilà, c'est une équipe extrêmement forte, extrêmement bien montée. Si on le prend, c'est du bonus pour moi. Dans la semaine, c'est pas sur celui-là que je compte. Si on le prend, c'est du bonus. Juste pas de blowout. Mais bon, actuellement, les Knicks, cette année, les blowouts, je pense qu'ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Donc, ça va jouer dur. Ça va, eux le savent. Hein. Eux savent qu'on est une équipe qui n'abandonne pas et qu'il ne faut pas non plus beaucoup pour que on soit en rythme à 3 points. Parce qu'on a quand même des shooters à 3 points, mine de. Donc, ils vont prendre ce match très au sérieux. Mais je ne pense pas que ce soit ce match. Si notre série s'arrête là, ça ne m'étonnera pas. C'est pas sur celui-là que je compte comme Ok, victoire. on va C'est parler pas. des paris, on va parler de nos Ouais. pronostics, pardon, juste Mais après. Mais effectivement, Boston, c'est un voilà. match qui s'annonce compliqué, Là, un tu le vois, adversaire. là, tu vois le match contre Philly. Là-bas, ils ont, voilà quoi, ils ont très bien géré. Même si la fin du match est très what the fuck. Je sais pas si tu l'as vu. La fin. J'ai pas encore l'occasion de la voir. Tatum, donc il met un 3, donc ils prennent 3 points d'avance. Remise en jeu. Et t'as un tir, mais one again de Embiid. Et ça tombe. On pense que ça tombe au buzzer à 3 points. Il tire, mais limite de sa surface, quoi, tu vois, de sa ligne de 3. Et en fait, en regardant bien, et en fait, finalement, à 0 seconde, le ballon était encore un Ah, peu dans sa main. Mais du coup, c'était panier un fou. refusé et tout. Ouais, Mais voilà, mais. en tout cas, c'est après le All-Star Game, on le sait, les équipes maintenant sont focus sur bien finir, être en forme au bon moment, être dans la bonne dynamique pour attaquer la post-season qui va arriver relativement vite derrière. On arrive sur le mois de mars, il y aura le mois d'avril derrière et les playoffs, Ouais. ça débute quand? Au mois d'avril. Donc, du coup, Bah, ça va voilà, arriver c'est vite là. C'est maintenant 20 ou matchs. jamais Il qu'il reste faut. Toutes les pièces s'alignent. On est dans la 20 dernière matchs ligne d'ici. droite. Dans le dernier quart de la saison. Donc voilà, une première affiche plutôt costaud. Et puis derrière, 2 jours plus tard, dans la nuit de mercredi à jeudi, réception de qui? Bah des voisins et des voisines de Brooklyn. Les BK. Nets. BK is back. Voilà. 2-1 pour les Nets pour le moment. Les Knicks se sont imposés, ont mis fin à cette longue série de défaites face aux Nets la semaine avant le All-Star Break. Donc du coup, voilà, ça pourrait être aussi une bonne idée de regagner une deuxième fois, de rééquilibrer un peu le bilan dans cette saison et puis vis-à-vis de cette confrontation. Et Pas au puis mieux, pas au mieux de accessoirement, leur forme. ouais, pas au mieux de leur forme, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a aussi un réajustement à faire avec les gros mouvements qu'ils ont subis, même s'ils ont récupéré de bons joueurs dans les trades. Bien On sûr. parle quand même d'avoir perdu 2 Hall of Famers, Mais il y a une un alchimie, MVP. il y a toute une alchimie à reconstruire dans l'équipe, quoi. Et Donc voilà, il y a un travail à refaire, et voilà, la dernière fois, ils ont pas vraiment pu faire jeu égal avec les Knicks, même si Non. voilà, en trois quarts temps, oui, et le quatrième, les Knicks se sont complètement détachés. Donc il y aura, je pense, à cœur pour la part des New Ah, ils sont Yorkais, sur. Ils New sont Yorkais sur. des Knicks, hein, du Madison Square Garden, Et puis ce de match est venir prendre important. ce match, quoi. Ce C'est un match est concurrent important parce direct. On parlait de que. cette fameuse cinquième place, sixième et tout. Autant Boston, c'est dur, on va pas aller chercher Boston en haut de la conf. Par contre, contre les Nets, s'il faut choisir un match entre les deux, vaut mieux aller gagner quand même contre Brooklyn, parce que ça ferait une victoire qui compte double. Ok, tu gagnes, mais tu fais perdre aussi ton concurrent Exactement. direct. Au Donc foot, on appelle celui-ci. ça, au football, on appelle ça un match à 6 points. C'est-à-dire que lui, il prend pas les 3 et toi, tu prends les 3. Mais c'est ça. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 6 défaites pour 4 victoires seulement. Une équipe qui est vraiment en dents de scie. Ils ont gagné contre le Heat récemment. Et là, Et ils jouent les tant Hawks. mieux. Et là, ils jouent les Hawks ce soir. Ça c'est une équipe qu'il faut absolument battre par contre. Ça c'est il faut absolument les gagner, comme tu dis, dans l'optique en fait d'accrocher leur cinquième place, de prendre leur place. C'est déjà d'une pour en termes déjà De position directe. de suprématie régionale. C'est important de montrer que la seule franchise à New York c'est les Knicks, et Mais puis de qui dit l'inverse? les gens de Brooklyn. Les gens de Brooklyn, ouais. Et ensuite, c'est de tout simplement remporter ce match pour prendre cette cinquième place et conforter notre course au playoff direct. C'est la bête est blessée, il faut en profiter. Profitons-en. Bien sûr, ne maltraitez pas les bêtes à la maison. Ah bon, non, mais moi j'ai 2 minutes là à la maison et regarde, mais sur Conan. Ok. Bon, voilà, après la petite minute animale, ensuite on va descendre sur la côte est, on va descendre en Floride et direction South Beach. Ah. On va exporter nos talents à la LeBron. Je ne sais plus quel est le nom de l'arena parce qu'elle change tout le temps. Mais en tout cas, voilà, le Miami Heat, qui n'est La pas non Wells plus. Fargo, non, non, ça c'est. Non, je dis n'importe quoi. Le Wells Fargo, Oublié. c'est C'est Philly. Philly. C'est Philly. Voilà. Attends, je vais te Bref. dire. C'est peut-être l'American Airlines, je sais plus où c'est celle-là, ou bref. Ouais. En tout cas, le Heat qui va pas si bien que ça, à chaque fois on nous dit oui, le Heat, attention, c'est costaud, c'est complet, ils ont récupéré Kevin Love. Waouh, la belle affaire. Bon, par contre, le Heat, ils auront aussi à cœur de s'imposer chez eux, donc ça fera. C'est toujours une opposition accrochée, parce que historiquement, il y a rivalité quand même entre New York et Miami, ne Ouais, serait-ce plutôt. que par rapport à des histoires de Patrailles et tout ça, tout ça. Bref, la première opposition, elle avait eu lieu lors du KNF Mecha Trip 2023. On y était présent, on s'en est bien souvenu. Ça s'est joué à pas grand-chose. Finalement, les Knicks se sont imposés, mais Un tir c'était de pas très héros loin de. dans le corner raté. Dans le corner derrière la planche, qui tape contre l'arceau mais qui tombe pas dedans. Voilà, donc c'était un match quand même qui était compliqué, mais qui avait tourné en faveur de New York. Et tant mieux pour nous, parce que ça nous avait permis de bien débuter ce séjour new-yorkais. Là, deuxième opposition. Concurrents directs. Pour l'instant, ils sont légèrement derrière nous. Ça serait bien de garder le Heat derrière nous. Donc voilà, ça va être un match chaud. Une équipe sur à Philadelphie, Philadelphie revanchard. Un hit qui n'a pas aussi une confrontation, qui n'a pas non plus un calendrier très, très à son Très avantage. facile, Parce ouais. que là, ouais. Ils peuvent être vraiment encore plus dans le mal. La même chose, quoi. Il faut les battre. Il faut les Victoire contre battre. double, victoire contre double. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Voilà, et pour finir la semaine, donc il n'y a pas de back-to-back, donc ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Déplacement, cette fois-ci dans Massachusetts, au Bah. TD Garden, l'autre Garden, contre les Celtics. Donc deux fois les Celtics dans la semaine, une fois les Nets, une fois le Heat. Costaud cette semaine, hein, costaud. Ah, Heureusement, il n'y a pas de back-to-back, mais. elle est moustachue cette semaine, ouais. Les moustachus, les moustachus. Donc bon, voilà, on va pas reparler des Celtics parce qu'on les a évoqués. On On en a verra s'il trop y a des parlé. blessures ou pas. On a trop parlé. Mais du coup, on va se lancer sur ce petit jeu des pronos. 4 matchs, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. 2 à domicile pour commencer. Une série actuelle de 5 victoires consécutives pour les Knicks. Est-ce que la série va pousser jusqu'à 9? Est-ce qu'on va faire un 4-0 cette semaine? Est-ce que ça va s'arrêter très vite? Allez, vas-y, tu te lances le premier, puisque c'est ton retour avec la dernière fois, t'avais gagné ce jeu des pronos. Et puis je me calquerai sur toi pour, pour faire mon pronostic, même si j'ai déjà une petite idée de ce que je vois pour cette semaine. Alors, Alors moi victoire-défaite, je vois des qu'est-ce que tu victoires nous annonces? et je vois des victoires et je vois des défaites, Ouais, mais exactement. alors combien? Je vois des matchs de basketball aussi. Et je vois des points de Julius Randle. Alors je vois un 2-2. On va rester Oui. sobre, hein, on va retomber, on va remettre, on va pas commencer à dire ouais 4-0, on a Josh Hart, c'est fini. Non. Alors, je pense qu'on Attention, de peut. toute façon, si ça enchaîne tout de suite par une victoire contre les Celtics, il y a des mecs qui sont capables de faire certaines dingueries dans les rues qui jouxtent le Madison Square Garden. Attention, on préfère vous prévenir, ça peut partir un peu dans tous Et les bien sens. juste, et bien justement, tu vois, je pense qu'il peut y avoir une surprise. Je pense que peut-être on peut taper les Celtics au prochain match. Oh, Oh, attention, grosse cote, celle-là, grosse cote. C'est grosse là où on sait cote. tout de suite si le prono de la semaine il part bien ou part pas bien. Parce que voilà, si c'est Après, défaite. Tu vois, je pense que Biquet, on les tape aussi et on finit la semaine sur deux défaites. Je pense qu'on perd contre Miami. On va, je ne Ok, vois pas du ok. tout le match Miami et évidemment aux Celtics. Mais je pense qu'on peut surprendre les Celtics. Là, on est en forme, on est en feu. Biquet, on enfonce le clou. Mais fin de semaine, compliqué. Donc pour toi, la série irait jusqu'à 7 victoires consécutives avec les deux On est victoires à monté domicile, ce qui à permettrait 8. d'égaliser. Ah, on avait fait 8, je crois que c'était 7. Ok, d'accord, ça ferait une autre belle série de wins dans la saison des Knicks cette année. Eh bien écoute, moi, le pronostic, pareil, ça va être du 2-2, mais par contre, ça ne va pas être sous le même format. Malheureusement, je pense qu'on va rentrer dans le rang sur les Celtics. Le premier match à domicile, il va être accroché. Ça va pas être un blowout de la part des Celtics, mais voilà, je sens que non. Cette petite période de lune de miel avec Josh Hart et tout, c'est très bien. Brunson, il a du mal. Voilà, j'attends un match où il va se reprendre, mais Justement. je me dis Dans la retour. Malcolm Brogdon et Marcus Smart sur le dos, ça va être compliqué comme match-up. Il avait pu bénéficier de l'absence de Smart sur la victoire qu'on avait eue là-bas, à Boston. Voilà, j'aimerais bien qu'on gagne, et puis j'aimerais bien me tromper. Limite, si je me trompe sur mon prono et qu'il y a une victoire des Celtics face aux Celtics, moi ça me va, je serais heureux quand même. Rassurez-vous. Mais voilà, j'ai peur que non, cette série de victoires de 5 là, elles prennent fin dans la nuit de lundi à mardi. Et que les Celtics s'imposent chez eux. Par contre, Oh. derrière, on enchaîne. Chez Victoire nous. contre les Nets, on enchaîne. Victoire à Miami pour moi, parce que Miami, ils sont pas si, voilà, c'est pas aussi clinquant que ce qu'on nous annonce depuis le début de la saison. Et je pense qu'il y a moyen de bien voyager. Il y a moyen de bien voyager. Par contre, le déplacement au TD Garden à Boston, celui-là, bah, je le sens pas non plus. Voilà. Pour moi, de toute façon, ne serait-ce que par rapport à la hiérarchie de ses adversaires dans la conférence et les oppositions et le niveau de forme actuel des équipes, Boston est au-dessus. Boston a des ambitions, Boston a du talent, Boston a du talent supérieur au talent des Knicks. Les Knicks, ils ont un cœur gros, mais est-ce que ça sera suffisant pour aller taper Boston une fois ou deux dans la semaine? J'aimerais bien, mais j'ai peur que non. Donc voilà, pour moi, le bilan, c'est du 2-2, deux victoires, deux défaites. Malheureusement, les défaites, elles seront pour moi face aux Celtics. Voilà, on est sur le même bilan. De toute façon, on verra. Bien, toi, c'est du cartésien, c'est les équipes qu'on doit Je prendre, on sais va les pas, je prendre, sais pas. les équipes qu'on doit perdre, on doit les perdre. Moi, je cherche, tu vois, La petite surprise. la surprise. Et les Boston Celtics, attention à vos fesses. Ah, il peut y en avoir, et puis il peut y avoir des blessures, il peut se passer des choses. Une semaine, 4 matchs, c'est long, il peut se passer des choses. J'ai pas regardé, j'ai pas étudié le calendrier de Boston pour savoir s'ils avaient du back-to-back, s'ils avaient d'autres grosses oppositions cette semaine. En tout cas, ça fait un calendrier costaud pour les Knicks, Oh non, et c'est là où il va falloir montrer c'est si on est à la compliqué, hauteur c'est de nos comme ambitions, quoi. j'avais tweeté là-dessus. Notre calendrier actuellement, là, on joue 7 fois, à l'état actuel des choses, hein, on joue 7 fois des équipes du top 6 de conférence, donc des équipes qui se qualifient directement, donc sur les 20 prochains matchs. Donc on joue 7 fois des équipes playoffables, on joue 6 fois des équipes du play-in. Et on joue 7 fois des équipes hors play-in. Donc c'est quand même assez homogène comme calendrier. C'est pas le calendrier le C'est pas le plus calendrier le compliqué. plus dur de la ligue par rapport à tout ce qui reste, mais. Par exemple, dans les équipes hors play-in, tu peux avoir les Lakers. Les Lakers, nouvelle Hey, mouture, oh! ça va donner quoi? Ça, les Lakers hors play-in, je crois que je suis au courant. Je crois que je suis au courant. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, je les ai comptés là-dedans. Et Ouais. dans ces 20 confrontations, on affronte 11 fois des équipes de l'Est. On affronte 2 fois les Celtics, 3 fois le Heat. Et la seule équipe qui tanque, vraiment, c'est Orlando. Magic? Ouais, le Magic. Après, derrière, on affronte les Cavs, on affronte les Indiana Pacers par 2 fois. Pas évident non plus, même s'ils sont en bas, pas évident, tu vois, c'est des matchs aux Wizards, ça, c'est comme des matchs comme les Wizards, C'est ça, des c'est matchs qui peuvent être pièges, donc effectivement, il exactement. faudra être Donc focus jusqu'au bout. c'est pas évident, et je crois que le constat est quasiment presque pareil du côté de la conférence Ouest, où je crois on a que Les les Kings, les que Blazers, ouais mais les Nuggets. au niveau des équipes qui tentent, je crois qu'on affronte que les Rockets, et puis on va avoir, bon, après on aura le temps d'en parler plus tard, mais ces 20 prochains matchs, ces 20 prochains matchs sont, bon, bah, évidemment déterminants. ces confrontations à l'Est vont être plus que déterminantes parce que elles vont jouer sur tellement d'aspects, sur les tiebreakers, sur l'aspect psychologique, comme tu disais, lors des confrontations, s'il doit y avoir un playoff. Enfin, moi, je pense que maintenant, pour nous, la place en play-in est acquise. Sauf Play-in, en cataclysme. play-in, en play-in. En play-in est acquise, je Ok. vois. Sauf cataclysme. Mais déjà ça, je le pensais il y a presque un mois. Je pense que là-dessus, voilà, enfin, il faudrait un truc de fou qui se passe, quoi. Donc, je pense que le play-in, c'est acquis, ça c'est fait. Maintenant, il faut voir plus loin, faut voir ce qu'on peut attraper. C'est là, c'est à portée de main. Donc, la place en play-off direct, l'est. Et ça serait fabuleux si en fin de saison, on se qualifie pour les play-offs. Depuis l'instauration du Je play-in, on pense l'aurait pas qu'il y a connu. pas mal de haters qui sont en PLS en ce moment, et d'ailleurs un petit coucou à eux. Respirez fort, ça va bien se passer, mais Bon, je suis pas sûr oui, qu'ils nous regardent beaucoup, aujourd'hui, les haters d'Enix. non, non, non, mais je trouve bizarrement moins de commentaires un peu farfelus en ce moment, ou Snips. critiquer les performances des uns et des autres. Bref, il y en a moins, il y en a moins. Ils sont cachés dans le bois, on Ah, verra. Ils Julius, dis-toi, reviendront, ils Julius. ressortiront, ils ressortiront. Julius a fait fermer quelques bouches. Certains se disent, ah oh, ben je sais pas. Il faut s'intéresser aussi aux joueurs. Évidemment que la saison dernière de Julius, elle était décevante à tous les aspects, évidemment, par rapport à ce qu'il nous avait montré dans sa saison MIP. Évidemment que la saison suivante, elle était hyper décevante. Mais cependant, moi, j'ai jamais quitté le train. Et comme je dis, j'ai jamais quitté le train. Et maintenant, je crois que je suis même devenu le contrôleur du train de Julius Randle. Ticket, s'il vous plaît. Mais je laisse monter. Je contrôle le ticket, mais même si vous avez une fraude, je vous laisse rentrer. Ça Mais passe. Julius, il faut bien voir que l'année dernière, ça a été une année charnière pour lui. Ça a été notamment le nouveau contrat, peut-être un peu difficile à digérer. Mine de Ouais, la rien, sortie de play-off qui était dur à digérer aussi. l'aspect du public qui est revenu, même si je veux bien qu'on me dise oui, non, machin, regarde cette saison. Mais n'empêche que cette saison, avec le public qui est revenu, quand ils ont commencé à avoir des mauvais résultats, des sifflets du gardien, tout ça, pas évident, surtout que quand tu as été très très Il a bon été l'année ciblé. d'avant. Il a été Exa ciblé exactement. par les Des critiques. Et il n'était poteaux pas non plus exempt de reproches, mais Qui sont partis, Reggie Bullock qui est parti, une nouvelle équipe avec des nouveaux achats et puis aussi un nouveau bébé. Et je veux dire, il y a des papas qui nous écoutent, je suis papa, je crois que tu es papa, et on sait très bien que un nouveau bébé dans une famille, et ça peut être une superstar, mais n'empêche qu'un nouveau bébé dans une famille, c'est quand même quelque chose à digérer. Ouais. Donc, il y a eu pas mal d'aspects qui ont fait que eh ben, cette saison-là était un peu passée au travers, le Julius était un peu sur les dents, là maintenant, vraiment, on le sent apaisé, on le sent souriant sur le terrain, Zen, on le sent. zen. Il rigole, il sourit, c'est un body language totalement différent. Et il n'y a Exactement. plus toutes ces histoires de regarder, il a mal parlé à un assistant Non. coach ou autre. Après, c'est Il est sûr que les focus victoires, en match, il est. les victoires, ça aide. Mais c'est un tout autre joueur qu'on a effectivement. Et c'est grâce à lui que la saison est une belle réussite. Et Ah s'il y a bah. un autre joueur aussi qui en est plus que responsable de cette belle réussite cette saison, c'est Jalen Brunson. Et Jalen Brunson, Bien là, sûr, bien sûr, on le kiffe. on va arriver sur la fin de cette saison. On va commencer à réfléchir un petit peu aux distinctions et autres. Il a été snobé de cette histoire de All-Star. C'est dommage, surtout quand on voit un Giannis Antetokounmpo qui vient pour faire 20 secondes. Écoute, Coco, t'es blessé. Voilà, laisse ta place. Comme ça, c'est un autre copain qui croque un petit peu une étoile de All-Star. Donc ça, c'était pas hyper L'ego. cool, monsieur Le L'ego des Grec. joueurs. Voilà. Mais donc, ouais, Jalen Brunson, est-ce qu'il pourrait être dans la conversation du titre de MIP, meilleure progression de l'année? Ah, quand on regarde les stats, avant, après, il y a peut-être matière à Si discussion. Alors, il y a de la concurrence. s'il avait été All-Star, je t'aurais dit qu'il était dans la course. Ouais. Le fait Malheureusement, là. qu'il ait été. Mais est-ce que ça sera pas un lot de compensation, un lot de consolation, peut-être? Mark Cannon a quand même passé un cap, hein. Ouais. Faudrait Donc, regarder. J'ai pas étudié les stats Lauri Markkanen précisément. passe un cap et All-Star. Shai Gilgeous Alexander qui sont. Markkanen et SGA sont ses deux principaux concurrents. Et Peut-être qu'aussi, on regardera peut-être qu'au moment des les deux ont votes, été All-Star. les résultats des équipes viendront aussi un petit peu en considération. Pourquoi Si les Knicks Julius est MIP? grappent. Parce qu'il est Si les All-Star. Knicks. Mais si les Knicks grappent une cinquième place, peut-être une quatrième, soyons fous, on retourne en playoff, il y aura peut-être aussi une interrogation par rapport à ça. Peut-être, non Après, mais. comme on l'a dit aussi au niveau du All-Star, il va peut-être, on va dire, être pénalisé par la sélection et la bonne saison de Julius. Voilà, c'est un Oui, résultat non mais collectif qui sera positionné grâce à ces deux bons joueurs, quoi. J'émets des hypothèses qui peuvent peser dans la balance pour sa non-nomination au titre de MIP. Mais après, au point de vue pur, quand on regarde le step-up de ses stats, évidemment que il est en discussion sérieuse. Moi, qu'on me dise pas, ah ben non, ben c'est évident que c'est Markkanen ou c'est évident que c'est EJ. Non, c'est pas évident. Ils ont des atouts à faire valoir, évidemment. Ils ont été All-Star, bravo à eux. Maintenant, GB, tout le monde, beaucoup de gens ont dit, ben, et pas que des fans des Knicks, hein, évidemment, pas que des fans des Knicks. Hein, je parle quand tu lis des choses dans ta Les gauche. observateurs au sens Que, large. exactement, que GB, ben, pas All-Star, c'était quand même surprenant. Et que en effet, au vu du gap La que les Knicks sont passés, trajectoire, ouais. que les Knicks ont eu avec et sans lui cette année, on vise un top 5. Je veux dire, on vise un top 5. L'année dernière, on a fini 11e 11. avec la place du cocu. Là, cette année, on peut se qualifier directement. Et GB en est une des causes principales, comme tu dis, avec des stats qui ont explosé. Et évidemment qu'il est dans la course au titre de MIP. Ça, mais tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, dites-nous en commentaire si vous pensez que GB, après Ja, parce que c'était Ja Morant la saison dernière, et après JR, Julius Randle, est-ce que GB pourrait être MIP. Julius? Voilà, dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il va décrocher ce titre de MIP. Est-ce que je pose la Question question. complémentaire, voilà. Voilà. Permettez-moi, monsieur. IQ en sixième homme. Trop juste. On garde ça pour la semaine prochaine. On garde ça pour la semaine prochaine. Sinon, la section des commentaires va exploser. Voilà. Dites-nous déjà pour le MIP. Et puis, sixième homme, effectivement, il y a un autre On candidat. finit top 5, Thibodeau, coach de l'année ou... Non. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être plutôt un mec avec une tête en forme de patate du côté de Sacramento. Voilà. Vous avez mon prono pour le titre du coach de l'année. Sinon, on n'oublie pas, Choubix, tu nous as publié le dernier billet d'humeur. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de billet d'humeur. On t'a sur les vidéos, mais là, tu as repris la plume et c'est disponible sur Voilà, nixnationfrance.com. Donc voilà, c'est. Petit bilan Voilà. post ligne droite d'Enix. C'est Voilà. un billet d'humeur. C'est un billet d'humeur. Des fois, il y a des humeurs qui sont pas bonnes. Bon, bah là, en ce moment, tout va bien. Tout Voilà. va bien. C'était le conseil de classe du deuxième trimestre qui a eu des bonnes notes et qui n'en a pas eu. Félicitations pour vos progrès, continuez comme ça, de grandes échéances vous attendent. Voilà. Bon, restez à l'affût de ce qui se passe sur le Une blog parce qu'il y a aussi réorientation n'est d'autres. pas souhaitable. Non. Parce qu'il y a d'autres contenus qui arrivent sur le blog. Un certain dossier sur un certain Canadien par un certain Kevin. Ouh là là, J'ai attention, hâte de le l'été lire. ça arrive. Et il y a un bon papier. J'ai hâte de Et le sinon, lire. faut surtout pas oublier d'activer la cloche. Hein. Les likes, les s'abonner sur la chaîne, ça c'est vital. Mais la cloche pour avoir les notifications des vidéos. Alors je me suis craqué la semaine dernière, j'étais en déplacement, j'ai pas publié la vidéo à la bonne heure, mais c'est pas grave, elle était là quand même. Nouvel épisode de Knicks and Connect, les connexions des Knicks dans la culture, que ce soit vidéo, clip, que ce soit cinéma, que ce soit dans les paroles de chansons. Donc il y a toujours du contenu, il y a toujours des références Knicks, il y en a quand même un paquet de références aux Knicks dans la culture. Ouais, ça Et fait donc vendre les Knicks. un nouvel épisode, ça fait vendre, ça fait parler, ça fait troller aussi parfois, hein. Il y a de tout. Mais en tout cas, un nouvel épisode arrive jeudi sur la chaîne, donc n'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir avoir cette information quand la vidéo est disponible. Voilà. Bon, et bah écoutez, ça fait une belle semaine, ça fait un bel épisode. Il se prépare encore de belles choses dans l'association, il se prépare encore de La belles choses au chasse niveau est lancée, des la chasse Knicks. au playoff est lancée. La chasse au playoff. Et j'ai été voir. On va finir sur ça. Basketball Référence, qui a un Playoff Probability. On connaissait le Tankathon. Ça, c'était pour avant. Là, c'est le Playoff Probability. Oh. Et actuellement, avant le match face aux Celtics, la cote pour que les Knicks soient en Playoff est de 97,6%. Donc, je pense que la saison va être longue. Je pense que le printemps va être doux. J'espère que le printemps sera long aussi du côté de New York pour qu'on en profite un max. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Une belle, bonne, grosse semaine. Salut. Salut Joanie. Et puis, bah, j'en vous dis vous dire à Venix Week. Yeah. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.